là-dedans, pas de temps à perdre, là-dedans, vite, il faut entrer. Dans cette boîte de cyprès, de sapin, de chêne ou de cèdre. Oui, c'est fou, je te le concède. Songe donc, ici, de nous voir en tête à tête, nul espoir, car le muletier à l'œil noir se dresse entre nous, et je tremble. Au contraire, sans le savoir, l'horloge et toi, tous deux ensemble, ils vous emportent. Entre ces planches clos, comme dans un cercueil. J'y goûterai des sensations plus fort que la mort. Oui, mon ami. Il exagère.